Thank you. Thank you. Sourire, mec, putain, c'est ça qui est bon. Taper sur la peau. Là, c'est la céramique. Sur des peaux. Sur des pots. Parce que là, on essaie de ternaire, on essaie de faire 12, jusqu'à des pays. Ça gêne. Voilà, c'est la partie. Le vote. Ça veut dire relancer un vote. J'ai pas compris. De changer de BPI. passer en 16. Faut pas que c'est écrit 16. Alors que nous, on est en 12. Parce que je vis en 12, j'étais en Afrique. C'est tout à fait. Oh. Oh, l'erreur. Il veut changer de pays. Il veut changer de bébé. J'ai trouvé des paroles. Thank you. bosques à coups. Des arômes. We'll be right back. Thank you. Just why I'm told they're my children. Who isn't that what living? Who isn't why I live? Who isn't why I'm living? Only on the day I'm darling day. Nous sommes vous, mais ma babou zée. Nous sommes vous, mais ma maman zée. I saw you in my mind. You in my mind. Day after day. After more, there is something in my brain. Day after day, after more, I saw. I saw this man live down. Madeline. Thank you. Yeah.